إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، رب الأراضين والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول والعمل. أما بعد، لفخاخ حياكم الله بإذن الله. Durant cette soirée, on va parler d'un sujet qui a fait parler de lui ces derniers temps. C'était la question de l'excuse pour ignorance. Al-udhru bil-jahl fi shirk al-akbar. Donc l'excuse pour ignorance dans la grande mécréance. L'excuse pour ignorance dans la grande mécréance. Et c'est vrai que cette question, au temps des salafs et au temps des grands savants, c'était un consensus entre eux, comme quoi celui qui tombe dans une grande mécréance, dans une mécréance majeure, il n'est pas excusé avec Al-Jahl. Sauf s'il est lointain, sauf s'il vit dans une île et qu'il n'a pas entendu que, par exemple, la prière était obligatoire et qu'il n'a pas entendu que... Donc cette personne, il ne tombe pas dans la mécréance jusqu'à que حَتَّى تَبْلُغُهُ الْحُجَّةُ وَتُبَيِّنُ لَهُ الْمَحَجَّةُ. D'accord ? Donc jusqu'à que on fait iqamat al-hujjah sur cette personne. Mais nous, on parle d'une personne qui vit parmi les musulmans, qui entend le adhan et qui dit, bon, c'est une personne qui est ignorante, elle ne sait pas. Donc on ne peut pas dire à une personne qui vit parmi les musulmans, qui entend le adhan 5 fois par jour, et qui invoque autre que Allah. Tu peux pas dire oui, il est ignorant. Non, il n'est pas ignorant. Celui qui il vit parmi les musulmans, il fait le ramadan, il prie et il égorge pour autre que Allah. Donc c'est des choses qui sont claires. Et cette personne-là, tu veux pas dire qu'elle est musulmante. Donc cette personne-là, à la fois tu veux pas dire. Cette personne-là, tu ne peux pas dire qu'elle est musulmane. Donc c'est soit la personne est mécréante, soit musulmane. Donc soit كأنهم يقولون أن الرجل بين المنزلتين. Comme il disait المعتزلة, comme il disait que la personne, elle est entre les deux, elle n'est pas. Il n'est pas musulman et il n'est pas mécréant. Il est entre les deux. Je ne sais pas où ils le mettent. Donc cette question-là, c'est vrai que les savants contemporains ont divergé dessus, alors que c'est un sujet qui a fait l'unanimité chez les grands savants. C'est un sujet qui a fait l'unanimité chez les grands savants. Et bien là, nous, on va étudier un épître du cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr, qui a été questionné. Et j'ai regroupé deux fatwas à lui où il parle de la question. Où il parle du sujet de l'ignorance pour l'excuse pour ignorance. Al-Udhru bil-Jahl. Donc, qala, et donc les deux fatwas, je les ai pris sur le site Manbar al-Tawhid wal-Jihad, pour ceux qui veulent revenir dessus. Donc, Sa'il, quelqu'un a questionné le cheikh et il lui a dit. هل يعذر بالجهل في العقيدة أم لا؟ وإذا عذر بالجهل هل لنا أن نقول أنه لم يحبط عمله بجهله أم يحبط عمله؟ Donc ici, celui qui a posé la question à Cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr, il lui a dit, est-ce qu'on excuse pour ignorance dans la aqidah? Est-ce qu'on excuse la personne pour ignorance dans la aqidah? C'est-à-dire que c'est des choses qui font sortir de l'islam, c'est des actes qui font sortir de l'islam, c'est des annulatifs de l'islam, comme tawaf bil qubur, sighatha bi ghayri Allah, donc c'est des choses qui font sortir d'islam. Et si on excuse pour ignorance cette personne-là, est-ce qu'on peut dire que ses actes sont réduits en poussière? Est-ce qu'on peut dire que ses actes, ses actions sont vaines? La réponse du cheikh, il a dit, في باب الشرك الأكبر فلا عذر بالجهل وهذا محل إجماع نقل الإجماع في عدم العذر بالجهل ابن القيم في طريق الهجرتين ونقله أئمة الدعوة. Donc le cheikh il dit dans le shirk, dans l'associanisme, il n'y a aucune excuse pour ignorance. Et ceci est un consensus. Et le consensus a été rapporté par Ibn al-Qayyim dans son livre Le chemin des deux migrations, Tariq al-Hijratayn. Et ce consensus a été relaté par les imams de la da'wah, c'est-à-dire la da'wah al-Najdiya, yani A'immat al-Hijaz. Et ce consensus a été relaté par les imams de la da'wah. فكل من فعل الشرك الأكبر بأن ذبح لغير الله أو استغاث بالأولياء أو أهل القبور أو شرع قانونا ونحوه فهو مشرك ولو كان جاهلا أو متأولا أو مخطئا. Donc, Cheikh dit, donc toute personne qui tombe dans l'associanisme, dans le shirk l'akbar, comme égorgé pour autre que Allah, subhanahu wa ta'ala, ou qu'il demande secours à des pieux ou à des morts dans les tombes, ou qu'il légifère une loi, est un mouchrik, associateur, même s'il est ignorant, ou qu'il a une mauvaise interprétation de texte, ou qu'il soit trompé sur une chose. Il est mouchrik. Ici, il parle de Ash-Shirk al-Akbar. قال ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى الكبرى واسم الشرك واسم الشرك يثبت قبل الرسالة لأنه يعدل بربه ويشرك به كما قال في مجموع الفتاوى وانظر كلامه في الرد على البكري. Donc Ibn Taymiyyah il a dit, et le nom du shirk, et le nom, l'appellation du shirk est affirmée, elle est prouvée avant la révélation, c'est-à-dire avant que le prophète alayhi salam l'a été envoyé. Car la personne, elle sort de l'adoration de son Seigneur et elle lui rend des associés. Et donc, regarde sa parole dans la réfutation de Al-Bakri, de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Donc, il a expliqué ceci en parlant de Al-Tatar. Wa ma'na kalam Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, annahu yusammi mushrikan. أنه عفوا يسمى مشركا إذا عدل بربه وأشرك به ولو قبل الرسالة أي ولو كان جاهلا. Et ici, le sens de la parole de Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, c'est qu'on l'appelle mushrik s'il sort de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et il lui associe d'autres divinités même avant la révélation, c'est-à-dire avant l'envoi du prophète alayhi sallam, c'est-à-dire même s'il était ignorant. Donc les gens avant l'envoi du prophète alayhi salam, c'était des mouchriquins. On ne peut pas dire que c'était des musulmans. Même s'ils étaient ignorants, c'est des mouchriquins. وَإِذَا أَرَدْتَ بَسْطَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَدْ ذَكَرْتُهَا فِي كُتُبِ الْآتِيَةِ. Et le cheikh dit, et si tu veux revoir ce sujet, j'en ai parlé dans mes livres suivants. Donc, Kitab al-Jam' wal-Tajrid, Sharh Kitab al-Tawhid fi babi al-Khawfi min al-Shirk. كتاب التوضيح والتتمات على كشف الشبهات وكتاب المتممة لكلام أئمة الدعوة. Donc il a, le cheikh il a renvoyé le questionneur, il a renvoyé à trois livres qu'il a fait. أما في باب المسائل الظاهرة quant aux choses évidentes, quant aux choses qui sont apparentes, التي يعلمها العامة لمن لم يعش بين المسلمين وكان في بادية بعيدة أو حديث عهد بكفر أو عاش ونشأ في بلاد الكفار فهذا يعذر بالجهل والتأويل حتى يعلم. Donc ensuite le cheikh il dit, quant aux choses évidentes, quant aux choses qui sont apparentes, que les musulmans connaissent, celui qui ne vit pas parmi les musulmans et qu'il vit dans un village lointain, loin de la population, loin des gens, loin des musulmans, ou qui vient de rentrer dans l'islam, il était dans le coffre, il est rentré dans l'islam, il vient d'embrasser l'islam, ou il a grandi et il a vécu dans un pays de coffre, de mécréance, celui-là, on l'excuse pour ignorance et pour sa mauvaise interprétation jusqu'à qu'on lui apprenne. Donc cette personne-là, celle-là, on l'excuse pour ignorance. D'accord ? Mais une personne qui vit avec les musulmans, qui est née musulmane et qui a grandi parmi les musulmans, on ne peut pas l'excuser pour ignorance. Et après, le cheikh il dit « Amma fi babil masail khafiya » quant au sujet pointu, des choses qui sont compliquées, choses qui ne sont pas évidentes, التي لا يعلمها إلا العلماء أو الخاصة فهذه يعذر بالجهل والتأويل حتى يعاند حتى تزول عنه الشبهة إن كان الغالب في الزمن الجهل. Donc ici, il dit quant aux choses qui sont difficiles et pointues, les choses dont seuls les savants ont la connaissance, ces choses-là sont excusées pour ignorance. Jusqu'à que l'ambiguïté soit effacée, si il est dans un endroit plein d'ignorance. وفي باب المسائل الظاهرة والمسائل الخفية لا فرق بين مسائل العقيدة أو مسائل الفقه والأحكام كلها واحد. Donc ensuite il dit le cheikh dans le sujet clair et les sujets qui ne sont pas évidents, il n'y a pas de différence entre la aqida, la jurisprudence et les jugements, c'est la même chose. أما مسألة حبوط العمل, quant à la question, si les actions sont vaines ou pas, فهذا متعلق بالموت على ماذا مات عليه هذا الإنسان لقوله سبحانه وتعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Donc par rapport à la question si les actions sont vaines ou pas de cette personne, ceci a un lien avec la mort. Sur quoi cette personne est morte? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et ceux parmi vous qui deviennent apostats et qui meurent en étant mécréants, leurs actions seront vaines dans la vie ici-bas comme dans l'au-delà. Donc, et ce sont les gens du feu, ils y resteront éternellement. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Donc, le verset, il est dans Al-Baqara, c'est le verset 217. Et il a dit dans une fatwa, notre fatwa, ça c'est une première fatwa, et il a dit dans une deuxième fatwa, on lui a posé une même question par rapport à l'excuse pour ignorance. Il a dit, أئمة الدعوة منذ الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلى وقتنا الحاضر وهم مجمعون بدون استثناء على عدم العذر بالجهل في الشرك الأكبر بل من ذبح لغير الله أو استغاث ودعا الموتى أو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو شارك الله في التشريع فإنهم يسمونه مشركا ولو كان جاهلا أو متأولا أو مقلدا. Donc ici il dit le cheikh, les imams de la da'wa najdiya, depuis l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullah alayh jusqu'à l'heure actuelle, sont à l'unanimité, sans exception, sur le fait qu'il n'y a pas d'excuse pour l'ignorance dans la mécréance majeure. Isma'a ya Abdallah, écoute bien. Il n'y a pas d'excuse. À l'unanimité, depuis l'imam Mohamed ibn Abdouhab jusqu'à l'heure actuelle, sur le fait que il n'y a pas d'excuse pour ignorance dans Al-Kufr al-Akbar, dans la grande mécréance, la mécréance majeure. Bien au contraire, celui qui égorge pour autre que Allah ou qui demande secours à une autre personne que Allah et il implore un mort et qu'il fait une autre adoration pour autre que Allah ou qui participe ou qui légifère une législation avec Allah, il l'appelle mouchrik, il l'appelle associateur, même s'il est ignorant ou qu'il ait une mauvaise interprétation ou qu'il imite quelqu'un ou imitateur. مقلد قال به محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وقال به ابنيه عبد الله وحسين وأيضا محمد بن عمرو وعبد العزيز الحسين وكان هؤلاء هم أئمة بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب donc il dit c'est la parole de محمد بن عبد الوهاب ainsi que ses fils عبد الله et حسين ainsi que محمد بن معمر et Abdelaziz Al-Hussein, c'est le grand chouyouk. Et ces derniers sont les imams qui sont venus après Muhammad ibn Abdul Wahhab. Wa qala bihi al-mujaddid al-thani, al-imam al-allama Abdul Rahman ibn Hassan, wa rasailuhu fi al-durar, wa fi majmou' al-rasail wal-masail, wa sa'adahu alayhi tilmidhu al-sheikh Abdullah Abba Batin, un grand sheikh. Et c'est avec cela qu'a dit le deuxième réformateur, l'imam Abdul Rahman ibn Hassan, et ses lettres sont dans Ad-Durar. D'accord? Ses épîtres sont dans Ad-Durar. Et dans le groupement des épîtres et des sujets. Fi majmou' al-rasail wal-masail. Et il l'a aidé dans cela son élève, Cheikh Abdullah Abba Batin. Thumma qala bihi al-imam al-allama Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-mujaddid al-thalith. Wa sa'adahu akhuh Ishaq ibn Abdul Rahman fi kitabih al-qayyim takfir al-mu'ayyin. Takfiru al-mu'ayyan. Donc, puis c'est la parole de son éminence, Cheikh Abdul Latif Abdul Rahman, le troisième réformateur, et son frère Ishaq ibn Abdul Rahman l'a aidé dans l'écriture de l'ouvrage, rendre mécréant un individu spécifiquement, Takfiru al-mu'ayyan. Thumma qala bihi Abdullah wa Ibrahim, ibn al-Sheikh Abdul Latif, wa sa'adahuma alayhi al-Sheikh ibn Sahman. Puis c'est la vie de Abdullah et Ibrahim, les deux fils de Cheikh Abdul Latif. Et Cheikh Ibn Sahman les a aidés dans cela. Thumma Cheikh Muhammad ibn Ibrahim, wa alayhi talamidatuhu, fima a'lam. Puis c'est le dire aussi de du Cheikh Muhammad ibn Ibrahim, ainsi que ses élèves, selon mes connaissances. Thumma alayhi mashayikh. كعبد الله بن حميد وعبد العزيز بن باز رحمهما الله وأعضاء اللجنة الدائمة التي رأسها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعليه شيخنا العلامة حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله. Donc il a, ensuite il a dit, puis c'est le dire des chouyoukh suivants, عبد الله بن حميد ainsi que عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهما. Et les membres du comité permanent, l'Ajnad Da'ima, que Cheikh Ibn Baz, était le président, dans lequel il y avait notre Cheikh Hamoud ibn Uqala al-Shu'aibi, rahmatullahi alayh. La tajid ahaduhum yakhtalif fi dhalik. Donc écoutez Abdallah, par rapport à l'ignorance, par rapport à l'excuse pour ignorance, il dit il n'y a pas un qui a divergé sur le sujet. Comme quoi, celui qui tombe dans la grande mécréance est un kafir. Même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Fa'ayna al-mukhalif fi dhalika minhum. Donc il dit, montrez-moi parmi eux celui qui a divergé sur le sujet. Fa'ayna al-mukhalif fi dhalika minhum. Wa innama al-khilafu fi dhalika al-mutakhiruna mimman hajarat kutuba a'immat al-da'wa. Wa ra'a fiha. Donc ensuite il dit, وإنما الخلاف في ذلك المتأخرون ممن هجر كتب أئمة الدعوة أي الدعوة النجدية ورأى فيها وإن كان لهم درجات عليا في الجامعات وتخرجوا من الكليات فهم الذين لبسوا على الناس هذه المسألة وفهموا من كلام ابن تيمية رحمة الله عليه خلاف ما أراد في باب الشرك الأكبر. Ensuite, le cheikh il dit, la divergence a vu le jour chez les savants contemporains qui ont délaissé, qui ont abandonné les livres des imams de la da'wa al-najdiya et ils ont estimé qu'il y avait de l'exagération dans le takfir. Ils estimaient qu'il y avait al-ghulu fi takfir. Mais subhanallah, hadha hukmullah. Une personne qui tombe dans le shirk al-akbar, la personne elle vit parmi les musulmans et que elle voit tout le monde faire la prière et qu'elle va égorger pour autre que Allah, cette personne elle tombe dans le kufr. Ici on a vu les cas pour une personne qui vient de rentrer dans l'islam et que peut-être il y a des choses que les grands imams et les grands savants et ceux qui ont de la science, il y a au moins khafi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire attention. Hein? Donc s'il tombe dans le coffre dans ces sujets-là, on l'excuse pour ignorance. Mais comme des masail, il y a wadiha. Donc quand tu as des choses qui sont claires, égorger pour autre qu'Allah, implorer les morts, invoquer les morts, partir voir l'awliya, awliya salihin, comme ils disent. Donc ces choses-là, c'est du kufr bawah, clair. Ensuite, le cheikh il dit, innama al-khilafu fi dhalika, ceux qui ont divergé, c'est les savants contemporains. Ils ont estimé qu'il y avait du relou. Il y avait de l'exagération dans le takfir. Même, il dit, même s'ils ont de haut degré, dans les grandes écoles, et ils sont diplômés dans de grandes facultés, c'est eux qui ont conduit les gens en erreur dans ce sujet-là. Et ils ont compris des paroles de Ibn Taymiyyah contrairement à ce qu'ils voulaient dans le sujet du shirk majeur. Donc ils ont compris le contraire. وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ أَئِمَّةِ الدَّعْوَى كَثِيرًا فِي نَقْلِهِمْ عَنْ إِبْن تَيْمِيَّةِ حينما تكلم عن أهل البدع والأهواء والعذر فيهم بالجهل والتأويل فطبقوا ذلك على الشرك الأكبر ولم يدركوا ويفهموا أن ابن تيمية رحمة الله عليه يفرق بين البابين. Donc ici, le cheikh, il dit, et les imams de la da'wa, da'wa najdiya, ont souvent averti, ils ont averti, et lorsqu'il citait les paroles d'Ibn Taymiyyah, quand il a parlé, quand il parlait des gens de la bid'a et de la passion, al-ahwa, comme quoi il les avait, c'est-à-dire comme quoi Ibn Taymiyyah, il les avait excusés pour ignorance et interprétation. Ta'wil. Ils ont donc appliqué les dires d'Ibn Taymiyyah pour al-bid'a dans le shirk majeur. Et ils n'ont pas réalisé, et ils n'ont pas compris que Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il différenciait, il faisait la différence entre les deux sujets. C'est-à-dire entre Ahl Bida' ou Al-Ahwa et pour le Shirk Akbar. D'accord? Fin de citation du Cheikh pour sa deuxième fatwa. Donc, pour vous montrer que il y a un consensus des ulama sur le fait qu'on n'excuse pas la personne quand elle tombe dans un kufr akbar. Tu vois, une personne, elle ne peut pas être à la fois soumise à Allah et à la fois soumise au tarout. C'est pas possible. D'accord? Mais, et c'est les gens qui défendent le fait que la personne, même si elle est gauche pour autre que Allah, on l'excuse pour ignorance, et ils s'appuient sur des hadiths, comme par exemple sur le hadith, yani Shubah, il y a des ambiguïtés, en fait, il y a des ambiguïtés sur le hadith où la personne, quand elle est morte, elle a dit à ses enfants, lorsque je meurs, coupez-moi un morceau, et rendez-moi en poussière et répartissez mon corps dans la mer, dans le désert. Wallah, si Allah arrive à me à me rassembler, il va me châtier un dur châtiment. D'accord? Et subhanallah, ici, il a douté sur le fait qu'Allah yuhyi al-mawta. La personne, elle a douté, hein, elle a douté que Allah yuhyi al-mawta. Donc Allah l'a fait, il l'a ramassé, il a regroupé ses organes et il a mis enfin, il a refait vivre. Et il lui a dit, ma hamalaka ala hada. Il lui a dit, qui t'a poussé à faire cela? Donc c'est un crime qui a jamais été fait. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit, qui t'a porté, qui t'a poussé à faire cela? Qu'est-ce qu'il a dit? La personne a répondu, khashiyatuk ya Rab. C'est par crainte que j'avais envers toi que j'ai fait ce testament à mes enfants. Et ici, certains chouïrs se basent sur ce hadith pour dire, voilà, ça fait partie de la aqidah, le fait de croire que Allah Azzawajal fait revivre les morts. Donc voilà, la personne est tombée dans le shirk, qui est un shirk akbar, et voilà, on l'a excusé pour ignorance, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et les ulama, ils ont réfuté sur cette question-là. C'est parce que c'est la personne l'a fait par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une. C'est pas comme les mouchriquines qu'on a aujourd'hui qui Ubad al-Qubur, Ubad al-Awliya, Ladina Yastaghithuna Allah. Et on va pas châtier, on va pas punir une personne et lui envoyer un châtiment douloureux, hein, avant d'envoyer un prophète. Le prophète, alayhi sallam, il a été envoyé. Et Al-Hujja qa'ima bil Qur'an. Al-Hujja qa'ima bil Qur'an. Donc tu ne peux pas dire que non, il faut lui faire iqamat al-Hujja. Subhanallah. Il faut lui faire iqamat al-Hujja. D'accord, at-takfir, on sait que at-takfir, il a des mawani, des empêchements. Walahu, fi indahu mawani, wa indahu shurut. Et il y a des conditions du takfir. Wa min mawani takfir al-jahl. D'accord? Min mawani takfir al-jahl, al-jahl. Walakin hadha ma dun al-kufr al-akbar. Les empêchements du takfir, on les applique pas dans le kufr al-akbar, dans la grande mécréance. On les applique pas dans la grande mécréance. Et on a la parole de l'imam Shafi'i, rahmatullahi alayhi, où il dit, li ilmi. Et Shafi'i, rahmatullahi alayhi, dans al-Manfour, Zarkashi, il a dit, si on excusait l'ignorant pour son ignorance, l'ignorance aurait été mieux que la science. Si on excusait, ici pas dans le Kufr Akbar, il dit si on excusait l'ignorant pour son ignorance, l'ignorance aurait été mieux que la science. Wa qala Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, dans son livre Raf al-Malam, page 114, il a dit, Inna al-udhra bil-jahli la yakunu udhran illa ma'a al-ajzi ani izalatih. وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه لم يكن معذورا. Ici Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, il dit l'excuse pour l'ignorance n'est pas une excuse sauf si la personne n'arrive pas à l'enlever. Du moment si la personne n'arrive pas à l'enlever. Donc où la personne peut faire l'effort pour connaître la vérité. D'accord? Donc, lorsque la personne, elle peut connaître la vérité, et elle s'abstient, et elle ne fait pas l'effort de connaître la vérité, le cheikh, il dit, elle n'est pas excusée. Elle n'est pas excusée. Voilà. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset, رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون على الناس حجة بعد الرسل. Donc le hujja qa'ima. Al hujja qa'ima. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé les prophètes et il a envoyé al rusul et il a fait descendre les livres. Donc al hujja qa'ima. Al hujja qa'ima. On ne peut pas les excuser. Et on ne peut pas dire que ces gens-là, on les considère comme al-fatra. Donc, c'est-à-dire que on les considère comme les gens qui étaient entre l'envoi de deux prophètes. Donc, ils étaient au milieu, on les considère comme cela. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le message, non. Donc, al-furqan. Donc, al-furqan, c'est le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui différencie al-kafir min al-mu'min. Al-hujja qa'ima. Donc, al-hujja qa'ima. Les preuves, elles sont... Donc, al-hujja qa'ima. وهؤلاء الذين يذبحون لغير الله فهم كفار بإجماع ومن خالف الإجماع والله لا يلتفت إليه. Celui qui y va à l'encontre de l'Ijma, l'Ijma là, le Cheikh Ali ibn Khudayr al-Khudayr, il l'a rapporté dans sa fatwa. Celui qui va à l'encontre de l'Ijma, on se retourne même pas vers lui, on le regarde même pas, on continue même pas à lui parler. هذا إجماع. وهذا في قلبه زيغ. دونك بإذن الله نكتفي بهذا القدر حتى لا نطير في المسألة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نلتقي في درس مقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله.